Oh. to fucking tear you apart.

soir. Ton véhicule n'a pas l'air d'avoir de passagers. Veux-tu me recevoir sans trop te déranger? Mes bottes ne feront pas trop d'écho dans ton couloir. Pas de bruit avec mes adieux. Pas pour nous les moments perdus en attendant un certain au revoir. Parce que j'ai la folie. Oui, j'ai la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. C'était une fois un étudiant qui voulait fort comme en littérature. Sa copine, elle était si douce qu'il pouvait presque, en la mangeant, rejeter tous les vices, repousser tous les mâles, détruire toute beauté, qui, par ailleurs, n'avait jamais été ses complices, parce qu'il avait la folie. Il avait la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Et si parfois l'on fait des confessions à qui les raconter? Même le bon Dieu nous a laissé tomber. Un autre endroit, une autre vie. Et oui, c'est une autre histoire. Mais à qui tout raconter? Chez les ombres de la nuit, au petit matin, au petit gris. Combien de crimes ont été commis contre les mensonges? Et soi-disant, les lois du cœur. Combien sont là à cause de la folie? Parce qu'ils ont la folie. Ils ont la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie.